Section 18 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 18. Les amours de Gilles. Livre 1er. Colombine par Louis Morin. Chapitre 1. Dans la loge de Colombine. Mademoiselle Séraphine, soubrette de la troupe de maître Cornelio, se faisait coiffer dans sa loge et prêtait une oreille distraite aux galanteries surannées du prince, lorsqu'elle aperçut sur la toilette, entre la boîte à mousse et la pâte à farder, un petit billet cacheté de 6 roses. Il n'y avait pas là de quoi surprendre une personne aussi universellement admirée. Et maintes fois des lettres d'amour s'étaient ainsi trouvées sous sa main, apportées là, on ne savait par qui. Mais si les déclarations la laissaient assez indifférente, elle prenait toujours un double plaisir à considérer la mine que faisait son vieil amoureux, moitié content, moitié fâché, de voir que sa maîtresse faisait envie à tant de gens, et à entendre la vieille habilleuse Léonarde protester contre les accusations du prince et jurer, en prenant à témoin tous les saints du paradis, qu'elle n'était pour rien dans cette nouvelle intrigue. Séraphine avait décacheté le billet, l'avait lu et relu avec l'apparence du plus vif intérêt, et elle avait pris, en attendant les questions que le prince ne pouvait manquer de lui poser, un petit air de rêverie souriante, bien propre à piquer sa curiosité. Lui, cependant, regrettait déjà d'avoir laissé paraître, en querellant la bieuse, qu'il pouvait être jaloux, et il battait une mesure avec ses lunettes sur la pomme de sa canne, de l'air le plus détaché du monde. Ce fut Léonarde qui, avec son flair subtil de vieille camérière et sa connaissance parfaite des choses de l'amour, jugea qu'elle allait tout de suite rentrer en grâce auprès du prince en parlant pour lui. « Allons, madame, n'allez-vous point nous lire cette glorieuse épître pour faire voir à son excellence qu'on ne songe point à lui prendre sa mie ? C'est, n'est-ce pas, quelque dévot admirateur de votre talent qui n'a pu se taire. À quoi bon ? Interrompit le prince, tout en se penchant pour mieux entendre. À quoi bon ? Dit Séraphine, en rouvrant le billet, et elle lut. « Mademoiselle, je ne prendrai pas la liberté de vous dire que je vous aime extrêmement, si votre parfaite beauté ne m'y forçait. N'accusez donc que vos grâces de ma témérité, vous serez plus libre à me pardonner l'offense que je fais, en m'offrant à vous de vous offrir si peu de choses. Tout mon dessein ne consiste qu'à savoir si vous avez pour agréable que je porte éternellement la qualité, mademoiselle, de votre humble et très obéissant serviteur, Pietro. » Pietro qui ? Dit le prince. Peste, voici qui est galant et sans le siècle dernier. Ce doit être quelque jeune officier qui a soigneusement copié sa lettre dans le secrétaire à la mode. Je ne sais pas, répondit Séraphine. Tout le monde s'appelle Pietro, dans cette bonne ville de Padoue, comme dans mon pays en Espagne, tout le monde s'appelle Juan. Mais voilà, bien les amoureux, ils se figurent qu'entre l'actrice qu'ils couvent de regards brûlants et eux, perdus dans la foule, il s'établit un courant sympathique. Ils s'étonnent qu'elle n'ait pas deviné leur passion, compris leurs muets aveux, rendus œillade pour œillade. En l'abordant pour la première fois, il lui parle comme à une vieille connaissance et reste tout surpris qu'elle ne connaisse ni leur nom ni leur figure, qu'elle ne soit point au fait de 1000 entretiens imaginaires qu'ils ont eus avec elle. « Oui, dit le prince en regardant la billeuse, mais il y a d'autres yeux qui, tout vieux et chaussés de lunettes qu'ils soient, voient fort bien dans les coins de la salle et dans le fond des loges les plus obscures. Ceux-là lisent dans les regards comme dans le creux de la main, n'est-ce pas, Léonard ? Ils ont vu tant de prunelles amoureuses depuis qu'ils eurent 15 ans autrefois. Et comme il savait prendre la vieille de la bonne manière, il tira de son gousset une petite bourse de soie qu'il balança doucement du bout du doigt. « Ah, Léonard, quel dommage que vous ne sachiez rien. Je donnerais volontiers quelques ducats à la personne qui pourrait dire à madame le nom de son amoureux, s'il est jeune, bien fait, riche et gentilhomme. Vous voyez que je suis bon prince et point jaloux. » Léonard se mit à rire, comme elle riait toujours, par manière de contenance, pour faire accepter ses trop rapides désaveux. Elle avait sous sa robe, dans son corsage, à la place du cœur, une grande bourse en peau verte, une bourse gourmande, toujours avide, et qui engloutissait sans scrupule les petits cadeaux et les gros présents de quelques mains qui lui vinssent. Il fallait la voir tirer la bourse de ses doigts secs et agiles et l'attendre avec un air de plaisanterie véhote qui désarmait les plus revêches. « Donnez toujours, Monseigneur, Dieu, lui-même mes témoins, que je ne sais vraiment qui a déposé le billet, mais quant à celui qui l'a écrit, le prince laissa tomber quelques pièces. Ce n'est peut-être que ce jeune étudiant qui vient voir jouer madame tous les soirs. Il arrive devant les chandelles, ne soit allumé, et s'en va quand madame quitte la scène. Si vous voyez quels yeux il ouvre, ah, ça, lui est bien égal qu'on lise dedans. Un amour d'écolier, mon prince. S'il recommence ses impertinences, nous lui ferons donner les étrivières par son recteur. Pourquoi cela ? Je ne vois pas de mal à ce que les jeunes gens aiment un peu, platoniquement. Cela forme le cœur, moi-même. » Ici, le prince fut pris d'un accès de toux et ne put achever sa tirade. Il allait pour la 100e fois raconter à Séraphine l'histoire de ses premiers amours, une histoire compliquée qui comportait toujours de nombreuses variantes à cause du peu de mémoire du narrateur, un récit d'aventure emmêlé où les victimes tombaient à la file, comme dans les romans de chevalerie. Seulement, au lieu de morts ou de sarrasins couchés par bataillons, au lieu de citadelles et de villes prises et mises à sac, c'étaient de petites cousines, de grandes dames, des bourgeoises ou de simples soubrettes qui avaient cédé au grand vainqueur et lui étaient tombées dans les bras avec de grands cris d'amour. Et Séraphine, en ces occurrences, ne pouvait se retenir de rire aux larmes, tant la figure de son vénérable amoureux était disparate avec les jolis souvenirs évoqués. Pauvre bonhomme ! Cet accès de folle gaieté arrêtait les confidences sur ses lèvres, et la cruelle, au lieu de s'excuser, lui mettait devant les yeux un miroir à main. Sur la glace de Venise, au milieu des broderies que les verriers de Murano soufflent autour des miroirs, il voyait apparaître, encadrée entre les blancheurs de la perruque à frimas et celle du jabot, sa fidèle image, une large face d'un rouge brique, percée d'yeux injectés de sang sous leurs sourcils en broussailles, fendue d'une bouche aux lèvres pendantes dont une vie trop molle avait détendu l'arc, et piquée d'un petit nez pourpré aux minces narines qui disait l'amour de son propriétaire pour tous les raffinements de la chair, et en particulier pour les vins capiteux de la basse Italie. Le prince était un peu asthmatique. Lorsque sa crise de toux fut terminée, il ne reprit pas sa période sentimentale. Séraphine était coiffée, et son habilleuse disposait devant elle les pièces du costume de Colombine dans lequel elle allait paraître sur la scène. Le prince regardait et enfin connaisseur admirait les jolis détails du tableau qu'il avait devant les yeux. Sous la lumière tamisée des lampes, Séraphine s'était levée et elle délaçait doucement les cordons de son corsage. Elle avait le garde-infante, la grande robe de falbala garnie de paniers et surmontée du corps de baleine, étroit et long, qui donnait toute l'élégance à la taille. Ses bras quittèrent les manches en pagode, les échelles de ruban du devant de gorge s'entr'ouvrirent, et entraînée par la pesanteur des paniers, la robe s'affaissa, cassant à petits plis son étoffe de soie rose à ramages. Séraphine apparut alors en corsage, de dessous, toute mince, ses bras potelés et sa poitrine ronde émergeant d'un fouillis de dentelle délicate. Sa chemisette descendait aux genoux, jusqu'à la jarretière, et ses souliers pointus à hauts talons de bois cambraient ses pieds menus. La coquette savait bien que Monsieur le Prince se plaisait fort à ses demi-déshabillés, et elle ne se pressait pas de passer la jupe et le caraco rayé de la soubrette colombine que lui tendait l'habilleuse. Elle se penchait vers son miroir, et à petits coups ramenait les boucles mutines de ses cheveux sous le béret de satin que Léonarde lui avait crânement posé sur l'oreille. Encore un peu de rouge à la joue, une mouche au coin de l'œil. Certes, Séraphine n'avait pas besoin de tout cela, et elle aurait été très belle avec rien du tout. Mais la scène ne veut pas que la beauté, même la plus parfaite, se montre sans artifice. Et puis la physionomie de la petite Espagnole s'accommodait très bien de ses raffinements. Avec ses yeux vifs, ses sourcils noirs un peu épais, ses cheveux indociles, sa bouche moqueuse, son nez relevé à la pointe, un de ces nez que l'on dit tourné à la friandise. Séraphine jabotait, tout en revêtant le costume de Colombine. Elle disait des bêtises. Elle disait qu'elle aimerait follement un garçon qui lui ressemblerait. Elle avait l'air de très bonne humeur et sans souci, mais au fond, elle était rongée d'inquiétude et décidée à mettre tout en œuvre pour retenir le prince. Le prince songeait-il donc à quelque noirceur? Peut-être. Séraphine avait très bien remarqué que depuis quelques jours, il regardait avec trop d'intérêt la petite Paquette, l'ingénue de la troupe, celle qui faisait les Isabelles. Peut-être le vieux gentilhomme, lassé de l'amour savant de Séraphine, voulait-il goûter de l'amour ingénu avec Paquette. Paquette était une petite personne très sage et contre laquelle il n'y avait rien à dire. Mais elle était la fille d'une ancienne comédienne qui n'était peut-être pas bien sérieusement la coquette convertie et tournée à la respectabilité qu'elle paraissait. Et un prince très riche, ne peut-il pas demander des choses impossibles? Aussi Séraphine était-elle bien résolue à ne pas commettre la faute des femmes d'esprit vulgaire qui se cramponnent à qui veut les quitter et redoublent de tendresse. Elle savait bien que sa seule ressource était de piquer la jalousie du prince et elle allait s'y employer. C'est pour cela que la lettre de l'étudiant Pietro avait été la bienvenue et que Séraphine s'était donné le plaisir de la lire avec un air sentimental qui n'était point dans ses habitudes. Le prince avait querellé Léonarde et avait eu recours à de petits stratagèmes naïfs pour cacher son dépit. C'était la preuve qu'il était vulnérable et qu'il fallait continuer. Comme elle faisait ses derniers apprêts, la porte de la loge s'ouvrit et une tête masquée apparut, celle d'un vieillard à longue barbe pointue, porteur d'un bonnet de laine, d'un pourpoint rouge et d'une grande robe noire. « Allons, Colombine, ma fille, le public s'impatiente et la Sciorra Isabelle attend tes mauvais conseils. » Il dit cela d'une voix grave. Il semblait sortir de son grand nez de carton. C'était Cornelio, le directeur de la troupe, sous les traits de l'illustre Pantalon, bourgeois de Venise. Le prince se leva, mit son manteau, baissa la tête pour que Léonarde pût lui passer la baïta de soie et de dentelle, et après avoir pris un baiser à Séraphine, il mit du même coup son tricorne et le petit masque blanc aux paupières teintées de rose qui devait protéger son noble visage contre les regards indiscrets. Puis il sortit pour aller s'enfermer dans sa loge, pendant que Colombine courait rejoindre ses camarades. Fin de la section 18, lue par Margot.